moi, dans l'obscur des fissures qui nous accompagnent. On se cherche la peau sèche au moindre contact. On atterrit, on s'oublie, on passe à l'attaque. On voit passer. On voit passer les étoiles, la vie d'un coup la tendresse d'où nous appartient. On s'échange les mélanges de nos lendemains. On s'évade sous des cascades tout en haut des plaines. On s'étourdit, on s'évanouit du moment qu'on s'aime. On voit passer les étoiles, la vie d'un coup s'éteint. On voit passer les étoiles, la vie d'un coup s'éteint. Passer les étoiles, d'un coup la vie s'éloigne.